Troisième partie, chapitre 18 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 18, des amitiés sensuelles. Quand ces amitiés vaines et badines se rencontrent entre des personnes de différents sexes, sans aucune vue de mariage, elles ne méritent pas le nom ni d'amitié ni d'amour, à cause de leur incroyable vanité et de leurs grandes imperfections. L'on ne peut les nommer autrement que sensuelles, ainsi que je l'ai dit dans le chapitre précédent. Cependant, les cœurs de ces personnes s'y trouvent pris, engagés, et comme engagés par de vaines et folles affections qui ne sont fondées que sur ces frivoles communications et misérables agréments dont j'ai parlé. Et bien que ces sortes d'amour dégénèrent ordinairement en voluptés les plus grossières, ce n'est pas néanmoins la première vue que l'on y ait eue, autrement tout ce que je viens de dire serait une impureté déclarée et fort criminelle. Il se passera même quelquefois plusieurs années sans que les personnes qui sont frappées de cette folie fassent rien qui soit formellement et directement contraire à la chasteté, ne se repaissant l'esprit et le cœur que de souhaits, de soupirs, d'assiduités, d'enjouements et d'autres semblables vanités et badineries pour parvenir aux fins que chacun s'y propose. Les uns n'ont point d'autre dessein que de satisfaire une certaine inclination naturelle qu'ils ont à donner de l'amour et à en recevoir, et ceux-là ne font aucun choix et n'ont aucun discernement mais suivent seulement leur goût et leur instinct. De sorte qu'à la première occasion imprévue, ils se laissent prendre à un objet qui leur paraît agréable sans en examiner le mérite, et c'est toujours un piège pour eux, dans lequel, ayant donné à l'aveugle, ils s'emparassent si fort qu'ils ne peuvent plus en sortir. Les autres se laissent aller à cela par vanité, persuadés qu'ils veulent être, qu'il y a de la gloire à s'assujettir un cœur. Et ceux-ci font un grand discernement des personnes, voulant entreprendre celles dont l'attachement leur peut faire plus d'honneur. Dans plusieurs, l'inclination naturelle et la vanité conspirent également à cette folle conduite, car bien qu'ils aient du penchant à aimer et à vouloir être aimés, ils prétendent cependant l'accorder avec le désir de cette vaine gloire. Ces amitiés filotées sont toutes mauvaises, folles, vaines. Elles sont mauvaises parce qu'elles se terminent ordinairement par les plus grands péchés de la chair et qu'elles dérobent et à Dieu et à une femme ou bien à un mari un cœur et un amour qui leur appartient. Elles sont folles parce qu'elles n'ont ni fondement ni raison. Elles sont vaines parce qu'il n'en revient ni utilité, ni honneur, ni joie. Au contraire, on y perd le temps, on y expose beaucoup son honneur, puisque la réputation en souffre, et l'on n'en reçoit point d'autre plaisir que celui d'un empressement de prétendre et d'espérer, sans savoir ce que l'on prétend, ni ce qu'on espère. Ces faibles esprits s'entêtent toujours de la créance qu'il y a je ne sais quoi à désirer en ces témoignages qu'on se donne d'un amour réciproque, et ils ne peuvent dire ce que c'est. Malheureux qu'ils sont encore, en ce point-là que ce désir, bien loin de s'éteindre, agite leur cœur par de perpétuelles défiances, jalousies et inquiétudes. Saint Grégoire de Nazianze, écrivant sur cela contre ces femmes si vaines, en parle excellemment bien, et voici un petit fragment de son discours, lequel peut être également utile aux deux sexes. « C'est assez, dit-il à une femme, que votre beauté vous rende agréable aux yeux de votre mari. Si, pour vous attirer une estime étrangère, vous en exposez les attraits à d'autres yeux, comme longtemps défilé à des oiseaux qui s'y laissent prendre, que croyez-vous qu'il en doive arriver? Indubitablement, celui à qui votre beauté plaira, vous plaira à vous-même. Vous rendrez regard pour regard, œillade pour œillade, les doux sourires suivront les regards, et ils seront eux-mêmes suivis de ces demi-mots qu'une passion naissante arrache à la pudeur. Après cela, on se verra bientôt librement. La liberté tournera en une mauvaise familiarité d'enjouements indiscrets, et puis, mettez-vous ici, ma langue qui en voulait trop dire, et ne parlez pas de la suite. Cependant, je dirai encore une vérité générale. Jamais rien de toutes ces folles complaisances entre les jeunes gens et les femmes, soit pour les actions, soit pour les paroles, n'est exempt de plusieurs atteintes que les sens et le cœur en souffrent. Parce que tout ce qui fait le commerce des amitiés sensuelles se tient l'un à l'autre et s'entresuit par une manière d'enchaînement comme un anneau de fer attiré par l'aimant en tire plusieurs autres. Oh, que ce grand évêque en parle bien! Car enfin, que pensez-vous faire? Donner de l'amour seulement? Vous vous trompez. Jamais personne n'en donne volontairement, sans en prendre nécessairement. À ce mauvais jeu, qui prend est toujours pris. Le cœur n'est que trop semblable à l'herbe nommée Aproxys, laquelle de loin prend feu aussitôt qu'on le lui présente. Mais dire à quelqu'un, j'en veux bien prendre, pourvu que ce ne soit pas beaucoup. Hélas, que vous vous abusez. Ce feu d'amour est plus actif et plus pénétrant que vous ne pensez. Si vous croyez n'en recevoir qu'une étincelle, vous vous étonnerez d'en avoir tout d'un coup votre cœur embrasé. Le sage s'écrie. Qui aura compassion de l'enchanteur qui s'est laissé piquer par un serpent? Et je m'écrie après lui. Ô aveugle et insensé! Pensez-vous donc enchanter l'amour pour en disposer à votre gré? Vous voulez vous divertir avec lui comme avec un serpent? Il fera couler tout son poison à votre cœur par les atteintes les plus piquantes qu'il donnera. Alors, chacun vous blâmera de ce que par une téméraire confiance vous aurez voulu recevoir et nourrir en votre cœur cette méchante passion qui vous aura fait perdre vos biens, votre honneur et votre âme. Ô Dieu! Quel aveuglement que de risquer comme au jeu sur des gages si frivoles ce que notre âme a de plus cher. Oui, Philothée, car Dieu ne veut l'homme que pour son âme, il ne veut l'âme que pour son amour. Hélas, nous sommes bien éloignés d'avoir autant d'amour que nous en avons besoin. Je veux dire qu'il s'en faut infiniment que nous en ayons assez pour aimer Dieu. Et cependant, misérables que nous sommes, nous le prodiguons avec un épanchement entier de notre cœur sur 1000 choses sottes, vaines et frivoles, comme si nous en avions de reste. Ah, ce grand Dieu qui s'était réservé le seul amour de nos âmes, en reconnaissance de leur création, de leur conservation et de leur rédemption, exigera un compte bien rigoureux de l'usage et de l'emploi que nous en aurons fait. Que s'il doit faire une recherche si exacte des paroles oiseuses, que sera-ce des amitiés oiseuses, imprudentes, folles et pernicieuses? Le noyer nuit beaucoup aux champs et aux vignes, parce qu'étant fort gros et fort grand, il tire tout le suc de la terre, qui lui fait perdre l'air et la chaleur du soleil par son feuillage extrêmement étendu et touffu, qu'il attire encore les passants qui, pour avoir de son fruit, y font un grand dégât. C'est le symbole des amitiés sensuelles. Elles occupent si fort une âme, elles épuisent tellement ses forces, qu'il ne lui en reste plus pour la pratique de la religion. Elles offusquent entièrement la raison par tant de réflexions, d'imagination, d'entretien et d'amusement, qu'elle n'a presque plus d'attention ni à ses propres lumières, ni à celles du ciel. Elles attirent tant de tentations, d'inquiétudes, de soupçons et de sentiments contraires à son vrai bien, que le cœur en souffre un dommage incroyable. En un mot, elles bannissent non seulement l'amour céleste, mais encore la crainte de Dieu. Elles énervent l'esprit, elles flétrissent la réputation, elles font le divertissement des cours, mais elles sont la peste des cœurs. Fin du chapitre 18, troisième partie.